15. Conversations utiles. Félicie était restée dans le salon avec son oncle. Il s'assit, lui prit la main, la fit asseoir près de lui. « Ma chère petite, tu as eu un bon mouvement. Tu y as cédé, c'est bien, très bien. Je vois que ton cœur est moins mauvais que je ne le croyais. Sais-tu ce qui te fait mal? Ce sont ces petits Castelceau qui sont bêtes, ridicules, détestables et détestés. Crois-tu que je ne me sois pas aperçu chez les Robillard et que tout le monde n'ait pas vu leurs airs ridicules, leurs moqueries méchantes ?» Félicie. « Mais non, mon oncle, je vous assure que vous vous trompez. » Le général. « Non, non, ma fille, je ne me trompe pas. Et tous ont vu et entendu comme moi. Je dis donc que ces gens-là sont une peste pour toi. Tu sais qu'on fuit les pestiférés, de peur d'attraper leur peste. Fuis-les, crois-moi. » Félicie. « Mais, mon oncle, ce sont les seuls du pays que je vois avec plaisir et qui m'amusent. » Le général. « Tu crois cela parce que tu ne fais attention qu'au titre et à la fortune. Sais-tu ce que c'était, ce fier baron de Castelceau ? Le fils du maître d'hôtel d'un de mes amis, le duc de la Folotte, ruiné maintenant par ses gens. Le père de ton baron a tant volé que le fils s'est trouvé riche et a pu jouer à la bourse, où il a gagné des sommes énormes, plus d'un million, m'a dit mon ami. Il a acheté un titre, sa femme est la fille de l'homme d'affaires du même duc et aussi voleur que le père du baron. Elle a hérité de ses parents d'une somme considérable, 300 000 ou 400 000 francs, et ils sont venus s'établir dans ce pays où personne ne les connaît. Ils ont donné au château qu'ils ont bâti le nom de Castelceau, qu'ils ont pris eux-mêmes. Leur vrai nom est Futé. Voilà ce que sont tes amis. Tu vois s'ils sont dignes de toi. Ils te flattent, ils te donnent de mauvais conseils et de mauvais exemples. Ils sont détestés dans tout le pays et ils te font détester. Tu t'ennuies partout parce que tu dédaignes tout le monde. Il faut absolument te tirer de là et rompre toute amitié avec ces mauvais garnements. Félicie était atterrée. Profondément humiliée de son intimité avec des enfants de voleurs, elle commençait déjà à les détester. L'indignation se peignait sur sa figure. Son oncle l'examinait en souriant. « Je vois, ma fille, que tu es disposée à suivre mon conseil et que tu ne te laisseras plus diriger par ces deux petits sots. » Félicie, avec indignation, « Je ne veux plus leur parler ni les voir, mon oncle. Mais comment maman a-t-elle fait connaissance avec ces vilaines gens ?» Le général. « Ta mère ne savait pas les détails que je te donne. » Ils sont venus chez elle, ta mère, qui est toujours polie et aimable, les a bien accueillis, ils sont revenus souvent. Elle a cherché à les éviter parce que leur orgueil lui déplaisait. Mais toi, tu cherchais à les rencontrer, tu les attirais, et ta mère, par complaisance pour toi, s'est laissée entraîner à les voir plus qu'elle n'aurait voulu. Il sera facile de ne plus les engager et de refuser leurs invitations. Félicie, tant mieux, et quand ils viendront, je me sauverai. Le général. Tu auras tort. Il ne faut être grossier pour personne. Tu peux leur témoigner de la froideur, mais sans impolitesse. Et à présent, ma fille, va rejoindre ta bonne. Félicie. Mais mon oncle, j'ai faim. J'ai si peu mangé. C'était si sale chez les Robillard. Le général. Sale, non. C'était propre et très bon. Mais, ajouta-t-il en riant, tu faisais comme tes amis, la dégoûtée et la difficile. Une autre fois, tu te comporteras mieux. Va demander à manger à ta bonne. On te servira quelque chose. Le général embrassa Félicie, qui était tout étonnée de voir son oncle si bon pour elle. En le quittant, elle lui dit, après quelque hésitation, « Je vous remercie de votre bonté, mon oncle. À l'avenir, je tâcherai d'être poli pour ce pauvre Dillois qui vous a sauvé la vie. » Le général, « Tu feras bien, ma petite, et tu me feras grand plaisir. Tu n'auras pas à te repentir de ta bonne résolution. » Félicie se retira très contente. Elle se sentit plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Un quart d'heure après, Madame d'Orvillet vint rejoindre son frère au salon. Madame d'Orvillet, que s'est-il donc passé entre toi et Félicie? Elle a dit deux fois que tu avais été bien bon pour elle et qu'elle ne serait plus méchante pour ce pauvre Dillois. J'ai été aussi étonnée qu'enchantée de ce changement de langage. Comment as-tu fait pour l'adoucir à ce point? Le général. D'abord, en dansant avec elle ce galop effréné. Ensuite, en perdant les Castelceau dans son esprit. Tu sais ce que je t'ai raconté de ces gens-là. Je lui ai ouvert les yeux sur leur naissance, sur leur fortune. Il n'en a pas fallu davantage pour exciter son indignation et pour lui faire prendre tout de suite les sentiments opposés à ceux des amis qui ne le sont déjà plus. C'est pour ne pas faire comme eux qu'elle a résolu d'être polie pour Dillois. Je parie que la première fois qu'ils se rencontreront, elle leur rendra les impertinences dont ils ont abreuvé hier les pauvres Robillard et Moutonnet. Madame d'Orvillet, ce serait très mal à elle. J'espère qu'elle ne le fera pas. Monsieur d'Alban causa longtemps avec sa sœur de Félicie et des événements de la journée. Ils cherchèrent les moyens de tirer Dillois et sa famille de la misère dans laquelle ils étaient plongés. « Il doit venir me voir demain, dit le général. Nous en causerons avec lui et nous verrons ce qu'il sait faire et quelle est la position qui pourrait lui convenir. Madame d'Orvillet, quel malheur qu'il ait eu cette affaire avec Félicie. J'aurais pu l'occuper chez moi sans cela. Le général, oui, mais il n'y faut pas songer. Ce serait trop désagréable pour cette pauvre fille. Madame d'Orvillet, et pour lui-même aussi, il en est si confus qu'il y penserait sans cesse et qu'il pourrait en laisser échapper quelque chose. Avant de se séparer, M. d'Alban demanda à souper. Madame d'Orvillet tint compagnie à son frère. Le général, à présent, Hélène, nous pouvons aller nous coucher. Mon dîner était bien loin. Je n'aurais pas dormi avec l'estomac creux comme je l'avais. Félicie a-t-elle mangé ? Madame d'Orvillet. Oui, elle a mangé plus que nous encore. Elle avait à peine dîné à 2 heures. Elle mourait de faim. Le lendemain, après déjeuner, on annonça Dillois qui attendait M. d'Alban sur le perron. Madame d'Orvillet. Fais-le venir ici, Albert. Nous causerons plus tranquillement pendant que les enfants jouent dehors avec leurs bonnes. Le général. Très bien, cher ami. Amenez Dillois par ici, Flavien. Le domestique revint avec Dillois qui n'osait pas entrer dans le beau salon. Les enfants se préparaient à sortir. En apercevant Félicie, Dillois s'arrêta tout court. Félicie. Mon oncle vous attend, Dillois. N'ayez pas peur. Nous sommes tous bons amis, ajouta Félicie. N'est-ce pas, mon oncle ? Le général, lui souriant avec bonté, oui, grâce à toi, ma chère enfant. Dillois. Oh, mademoiselle, c'est-il possible ? Jamais je n'oublierai cette bonté. Vos bonnes paroles me font un bien dont je ne saurais assez vous remercier. Félicie s'aperçut que le brave homme avait les yeux pleins de larmes. Elle lui sourit gracieusement et sortit. Madame d'Orvillet la suivit, l'embrassa à plusieurs reprises et la pressa contre son cœur. « Continue comme tu as commencé, cher enfant, et tu retrouveras toute notre tendresse. » En rentrant au salon, elle trouva Dillois encore tout ému. « Madame d'Orvillet, vous voyez, mon ami, que Félicie ne vous garde plus rancune. Ainsi n'y pensez plus, et parlons de l'avenir, au lieu de songer au passé. » Le général. « Assois-toi, mon brave garçon, et causons de ton avenir, comme dit ma sœur. Voyons, assois-toi, n'aie pas peur. » Dillois obéit et prit une chaise. Le général. « Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu sais faire ?» Dillois. « Ma foi, monsieur le comte, je gagne ma vie comme je peux. Faute de mieux, je travaille au chemin de fer. » Le général. « Mais ce n'est pas un état. » Dillois. « C'est vrai, monsieur le comte, mais c'est du pain pour moi et pour mes 4 enfants. » Le général. « Que fait ta femme ?» Dillois. « Avec 4 jeunes enfants, monsieur le comte, elle ne peut pas aller en journée. Elle fait le ménage et elle soigne les enfants. » Le général. « Combien gagnes-tu ? » Dillois. 2 à 3 francs par jour, ça dépend de l'ouvrage qu'on fait et de l'entrepreneur. Le général. Que pourrais-tu faire de mieux ? As-tu un état, un métier quelconque ? Que faisais-tu en Algérie quand j'y étais ? Dillois. Avant de me marier, j'étais jardinier. Quand je me suis rencontré avec monsieur le comte, près d'Alger, j'étais jardinier chez un colon qui s'établissait. Il vendait des légumes, des fruits. Le général. Connais-tu bien l'état de jardinier ? Dillois. Quant à ça, je m'en flatte. Mon père était jardinier chez monsieur le marquis de Lataste, et n'avait pas son pareil dans le pays. Il fallait voir nos légumes et nos fruits, les plus beaux des environs. Le général. Pourquoi n'y es-tu pas resté ? Dillois. Mon père est venu à mourir, monsieur le comte. J'étais trop jeune. Je n'avais pas encore tiré à la conscription. Monsieur le marquis m'a renvoyé et on m'a offert cette place en Algérie. Je suis parti. Mon maître s'y est ruiné. Je m'étais marié. J'avais déjà 2 enfants. Je suis revenu en France. J'ai vécu comme j'ai pu et je me suis trouvé ici, dans le pays, travaillant au chemin de fer. Le général. Si nous te trouvions une place de jardinier, cela te conviendrait-il ? Dillois. J'en serais bien heureux, monsieur le comte, mais ce n'est pas facile à trouver. Le général. Cela se trouve pourtant. Nous allons nous en occuper, ma sœur et moi. Dillois. Je remercie monsieur le comte. Ce serait un grand bonheur pour moi de me trouver placé tranquillement avec ma femme et mes enfants. Le général. « Eh bien, mon ami, cela viendra un jour ou l'autre. En attendant, continue ton métier de cheminot et, si tu te trouves gêné, viens nous trouver, ma sœur et moi. Nous te viendrons en aide. » Dillois. « Je suis bien reconnaissant à monsieur le comte de ses bontés pour moi. Tant que j'aurai de l'ouvrage, j'espère ne pas avoir à importuner monsieur et madame. Le bon Dieu ne m'a jamais fait défaut. Jusqu'à présent, ma femme et mes enfants n'ont manqué de rien. » Madame d'Orvillet. « Mais, mon pauvre ami, vous manquez de tout. Vous n'avez rien dans votre ménage. » Dillois. Pourvu que nous ayons du pain et de quoi nous couvrir, nous n'en demandons pas davantage. Avec les 100 francs que m'a valu mon ours, nous avons payé notre loyer, le boulanger, ce que nous devions au boucher, à l'épicier, au sabotier, et nous avons encore devant nous les 50 francs que madame la comtesse a bien voulu nous donner. Monsieur d'Alban et sa sœur admiraient la modération du pauvre cheminot qui se trouvait satisfait de si peu. Ils continuèrent à causer jardinage et travail, et en se quittant, M. d'Alban voulut donner 2 pièces de 20 francs au brave homme, qui les refusa, assurant toujours qu'il ne manquait de rien, qu'il avait de l'argent devant lui. Quand ils furent seuls, Mme d'Orvillet dit à son frère, « Albert, tu avais une idée en le questionnant sur ses talents de jardinier. Je crois la deviner. » Le général, « C'est vrai, j'ai mon idée, mais il nous faut y réfléchir, à cause de l'aventure de cette pauvre Félicie. Je dis nous, parce que je vois que tu as la même pensée que moi. » Madame d'Orvillet, « Oui, et c'est l'effort méritoire de Félicie qui me l'a donné. » Le général, « Nous lui en parlerons à la première occasion. » « Voici une lettre pour madame, » dit la bonne en entrant. Madame d'Orvillet prit la lettre, la lut et dit, « Voilà du monde qui nous arrive, Valérie. Ce sont mes nièces, Gertrude et Juliette, avec leur tante de Saint-Luc. Vous leur ferez préparer les chambres en face de la mienne. Elles arrivent demain. » La bonne, « Je vais avertir la femme de chambre de madame. » Madame d'Orvillet, « Très bien. Prévenez aussi Baptiste pour que tout soit prêt aujourd'hui. Elles seront ici demain matin avant 11 heures. » La bonne sortit. Le général. « Je suis très content de cette visite pour Félicie. Gertrude est si bonne, si raisonnable, et puis elle a tant d'esprit et de gaieté qu'elle se fera aimer de ta fille, et qu'elle lui fera certainement du bien. » Madame d'Orvillet. « Et pour nous-mêmes, Madame de Saint-Luc nous sera d'une société fort agréable. » Le général. « C'est une femme charmante. Elle a été veuve très jeune, je crois. » Madame d'Orvillet. « 15 jours après son mariage, Monsieur de Saint-Luc a été pris d'une fièvre pernicieuse. Il est mort après une maladie de 3 jours. » Le général, « L'a-t-elle beaucoup regretté ?» Madame d'Orvillet, « Elle a été affligée pendant quelque temps. Mais tu sais que ce mariage lui a été imposé par sa mère. Elle n'aimait guère son mari. Et puis, elle l'avait si peu connu que son chagrin n'a pas été de très longue durée. » Le général, « Et par quel hasard est-ce elle qui nous amène Gertrude, et pas notre sœur ?» Parce qu'Amélie est partie pour les Pyrénées avec son mari, et sa belle-sœur, Madame de Saint-Luc, lui a proposé de nous amener Gertrude pour la distraire du chagrin de sa séparation avec sa mère. Le général. Très bien, cela me fera plaisir de les revoir. Je n'ai pas vu Madame de Saint-Luc depuis son mariage, c'est-à-dire depuis 10 ans. Et quant à Gertrude, elle avait 10 ans la dernière fois que je l'ai vue. Madame d'Orvillet. Elle en a 14, à présent. C'est une jeune personne tout à fait exceptionnelle pour tout ce qui est beau et bien. Le plus charmant caractère. Le cœur le plus aimant, le plus dévoué, l'esprit le plus intelligent, le plus aimable, le plus enjoué, les goûts les plus raisonnables, la piété la plus sage, la plus éclairée. Le général, peste, quel portrait tu fais de notre nièce! Si elle avait 20 ans de plus, je l'épouserais tout de suite. Je serais sûre d'être le plus heureux des hommes. Madame d'Orvillet, riant. Oui, mais comme elle a 14 ans et qu'elle est ta nièce, il faut que tu cherches ailleurs. Le général, riant. Ou bien que je ne cherche pas du tout. J'aime mieux cela. Au moins, je vis tranquille. Je vais où je veux et je vis comme cela me convient. Je n'aime pas à être tenue. Madame d'Orvillet. Allons rejoindre les enfants, mon ami. Nous ferons une grande promenade. Le général. Et en revenant, nous préparerons une pêche dans le petit étang pour demain. Madame d'Orvillet. Tu as raison. Nous nous donnerons un plat de poisson. Gertrude, Juliette et nos enfants seront enchantés. Tout fut préparé pour la pêche du lendemain. L'étang se trouvait à quelques centaines de pas du château. Les enfants furent très joyeux de cette bonne pensée de leur oncle et de l'arrivée de leur cousine Gertrude et Juliette, qu'on leur annonça pour le lendemain. 16. Arrivée de Gertrude. Félicie n'était pas très contente de l'arrivée de Gertrude, dont la simplicité, la bonté, la douceur contrastaient avec sa hauteur et ses habitudes impérieuses. Laurent et Anne étaient très heureux de revoir leur cousine, Juliette surtout, qui n'avait que 8 ans et qui serait leur compagne de jeu. Longtemps avant l'heure de l'arrivée, les enfants étaient dans l'agitation de l'attente. Laurent demanda à sa bonne s'il y avait des joujoux dans la chambre de Juliette. La bonne, « Non, mon cher petit, il n'y a rien du tout. Vous lui prêterez les vôtres quand elle viendra jouer avec vous, mais dans sa chambre, elle s'ennuiera. » La bonne, « Vous verrez cela avec elle quand elle sera arrivée. » Laurent, « Je voudrais bien lui en donner un peu d'avance. Voyons, Anne, qu'est-ce que nous porterons chez Juliette ?» Anne, « Demandons à maman la belle poupée de cire et le beau trousseau que m'a donné mon oncle quand il est arrivé. » Laurent, « C'est ça. Et moi, je vais lui donner... Quoi donc ? Mon grand cheval. » La bonne, « Ce n'est pas un joujou de fille. » Laurent, « C'est vrai. Et mon théâtre avec des personnages. » Anne, « Ce serait très bien. Elle jouera des comédies. » Laurent, « Et toi, Félicie, qu'est-ce que tu leur donneras ?» Félicie, « Je ne leur donnerai rien du tout. Gertrude est trop grande et Juliette est trop petite. » Laurent, « Et si tu mettais chez Gertrude des livres, par exemple, les 8 volumes de la Semaine des enfants ?» Félicie. Non, c'est trop beau. Elle les abîmerait. Laurent. Oh, pauvre Gertrude, elle n'aura donc rien. Félicie. Elle n'a besoin de rien. Elle apportera avec elle ce qu'il lui faut. Laurent. Tu es avare. Ce n'est pas gentil, ça. Félicie. Je ne suis pas avare, mais je ne veux pas qu'on me salisse mes beaux livres. Laurent. Je te dis qu'elle les soignera très bien. Félicie. Et moi, je te dis que je ne veux pas les donner. Donne tes affaires si tu veux. Moi, je garde les miennes. Anne. Alors, puisque tu es si méchante, je vais lui donner Jean Bourreau et les défauts horribles. Félicie. Ce sera joliment bête. Gertrude qui a 14 ans et qui fait la grande dame. Anne. Non, elle ne fait pas la grande dame. Elle est très bonne, bien meilleure que toi. Félicie. Tu cherches toujours à me dire des choses désagréables. Anne. Et toi donc, tu en dis à tout le monde. Félicie. Ce n'est pas vrai. Anne. Si c'est vrai. Le pauvre cheminot, tu as été très méchante pour lui. Félicie. Je te prie de ne plus me parler de ce cheminot, cela m'ennuie. Laurent. Tiens, hier tu lui as donné la main. Félicie, embarrassée. Ce n'était pas pour lui, c'était pour faire plaisir à mon oncle. Laurent. Pas du tout, pas du tout. C'est parce que tu as été bonne une minute, et parce que tu t'es rappelé qu'il t'a sauvé de l'ours. Et à présent, voilà que tu l'oublies de nouveau, et que tu redeviens méchante. Félicie. Dieu, que ces enfants sont insupportables. La bonne. Voyons, mes enfants, laissez votre sœur tranquille. Elle a eu un bon mouvement, j'espère qu'elle en aura d'autres encore. Mais il ne faut pas la taquiner là-dessus. Et puis, il ne faut pas l'obliger à donner ses livres à Gertrude parce que vous donnez vos joujoux à Juliette. Quand vos cousines seront ici, je suis bien sûr que Félicie ne refusera pas de prêter ses livres à Gertrude, mais il ne faut pas l'y obliger d'avance. Félicie. Certainement que je veux bien les prêter, mais plus tard. La bonne. Alors c'est très bien, et que chacun reste maître de ses affaires. Laurent et Anne portèrent chez Juliette, qui devait avoir la même chambre que sa sœur, le théâtre et la poupée qui étaient chez leur maman. Ils avaient à peine fini leurs arrangements qu'on entendit le roulement de la voiture qui arrivait. Ils se précipitèrent tous vers le perron et s'y trouvèrent au moment où l'on ouvrait la portière. Madame d'Orvillet et le général les aidèrent à descendre de voiture. Gertrude et Juliette furent embrassées 10 et 20 fois. Laurent. Comme tu es grandie, Juliette. Juliette. Et toi donc, je ne t'aurais pas reconnue. Anne est aussi très grandie. Félicie. Gertrude a la tête de plus que moi. Gertrude. Tu me rattraperas bientôt. D'ailleurs, j'ai presque 3 ans de plus que toi. Félicie. Oui, tu n'es plus une petite fille. Tu es une demoiselle. Gertrude. Une demoiselle qui est aussi petite fille que toi et que Laurent pour le jeu et les courses dans les champs. Laurent. Ah, tu joues encore? Gertrude. Comment si je joue? Demanda Juliette. C'est moi qui suis à la tête de tous les jeux et des dinettes du voisinage. Anne. Et Félicie qui ne veut plus jouer avec nous parce que nous sommes trop petits et trop bêtes pour elle. Félicie devint rouge et embarrassée. Gertrude rougit aussi pour elle et s'écria. Tu verras que Félicie apprendra à jouer et à courir tout comme nous. Je lui montrerai différents jeux très amusants. Le général, embrassant Gertrude. Je vois que tu es toujours la bonne, l'excellente Gertrude d'il y a 3 ans, lorsque je t'ai quittée. Gertrude. On m'a fait cette réputation que je ne mérite guère, mon oncle. On est trop bon pour moi, mais je fais tous mes efforts pour arriver un jour à la mériter. On alla au salon. Après quelques instants de conversation et après avoir admiré les fleurs qui ornaient les vases et les corbeilles, Madame de Saint-Luc demanda à monter dans sa chambre pour se débarrasser de son chapeau et de son mantelet. Gertrude et Juliette la suivirent, accompagnées par les enfants. Laurent et Anne s'empressèrent de faire voir à Juliette la poupée et son trousseau, le théâtre, etc. « Et toi, pauvre Gertrude, dit Anne, tu n'as rien. Je t'ai seulement donné Jean Bourreau et les défauts horribles. C'est très amusant, mais je n'ai plus rien. » Gertrude, l'embrassant, « Merci, ma bonne petite Anne. Tu es bien gentille. Cela m'amusera beaucoup. Veux-tu que je te l'explique tout de suite ? Dit Anne, enchantée de la reconnaissance de Gertrude. Gertrude souriant. « Merci, chère petite. Pas à présent, parce que je vais me lisser les cheveux, me laver les mains et qu'ensuite on va déjeuner. Mais plus tard, tu m'aideras à comprendre les images. » « Anne. Oui, oui, je t'aiderai beaucoup, parce que je les connais très bien. » Laurent et Anne emmenèrent Juliette dans leur chambre pour voir Valérie et les joujoux. Gertrude et Félicie restèrent seules. Félicie était un peu gênée au commencement. Félicie. « Es-tu fatiguée, Gertrude ? » Gertrude. « Fatiguée ? Pas du tout. Nous sommes partis à 8 heures et nous sommes arrivés à 11. Le voyage n'est pas long. » Félicie. « Et à quelle heure t'es-tu levée ? » Gertrude. « À 6 heures, comme d'habitude. J'ai été à la messe de 7 heures, comme toujours. J'ai déjeuné et nous sommes partis. » Félicie. « Avec qui vas-tu à la messe ? » Gertrude, avec ma tante de Saint-Luc, quand maman ne peut m'y mener. Pauvre maman, la voilà bien loin de moi, pourvu que je ne lui manque pas trop. Elle est si bonne, elle m'aime tant. Les yeux de Gertrude se remplirent de larmes, elle voulut sourire à Félicie pour ne pas l'attrister, mais, au lieu de sourire, ce fut des larmes qui coulèrent, et elle pleura. Félicie la regardait avec surprise. « Tu pleures pour un mois de séparation ?» lui dit-elle. « Gertrude, je n'ai jamais quitté maman, et je l'aime tant !» Félicie ne disait rien. Gertrude essuya ses yeux et chercha à reprendre sa gaieté. « Gertrude, tu as raison, c'est bête. Tu vois comme je suis enfant. Entre nous deux, c'est toi qui es la plus raisonnable. » Félicie, flattée, l'embrassa. La cloche du déjeuner sonna. « Félicie, tu n'as plus qu'un quart d'heure pour t'arranger. Gertrude, vite, vite, de l'eau, du savon. » Elle ouvrit son sac de toilette, en retira ce qu'il lui fallait, lava ses yeux, se lissa les cheveux, remit son filet, se lava les mains après avoir secoué la poussière de sa robe et fut prête à descendre, gaie et souriante. Elles retrouvèrent au salon toute la société. Le général la prit par la main et l'emmena dans une embrasure de fenêtre. « Ma petite Gertrude, tu as pleuré. Est-ce que Félicie ?» Gertrude vivement. « Non, non, mon oncle, c'est que j'ai pensé à pauvre maman. Et alors ?» Le général. « Et alors ton cœur s'est fondu, et tu vas recommencer si je continue bêtement à t'interroger. » Le général embrassa encore. « Sais-tu que tu pourras faire beaucoup de bien à notre pauvre Félicie ?» Gertrude. « Comment cela, mon oncle ?» Le général. « Par ton exemple et tes conseils. Je te parlerai de cela plus tard, quand nous serons seuls. » Gertrude. « Est-ce qu'elle a toujours un peu de fierté ?» Le général. « Plus que jamais, mon enfant. » Gertrude. « Ce ne sera rien, mon oncle. Cela passera. Vous verrez. » Le général. « Cela passera peut-être, toi aidant. » On annonça le déjeuner. « Tant mieux, » dit le général, en offrant le bras à Madame de Saint-Luc. « Je meurs de faim. » Madame de Saint-Luc. « C'est nous qui vous faisons déjeuner trop tard. » Le général. « Pas du tout. 11h30 est l'heure accoutumée, et c'est pour cela que j'ai si faim. » Madame de Saint-Luc souriant. « Ah oui, l'exactitude militaire !» 17. Gertrude est charmante. On fit tellement honneur au déjeuner que Madame d'Orvillet s'excusa en riant de n'avoir pas commandé pour 15 au lieu de 8. « J'aurais dû prévoir l'effet du grand air et du bon air de ce pays, et compter chaque convive double. » Madame de Saint-Luc. « Mais nous n'avons pas déjà tant mangé, il me semble. » Madame d'Orvillet. « Parlez pour vous, Pauline. Nous autres, petits et grands, nous avons dévoré. » Le général. « Voyons, pas de calomnie et comptons nos plats, vides à présent, mais qui contenaient 8 litres de potage, un filet de bœuf de 10 livres, 16 côtelettes sur purée de pois, un pâté de volaille pour 20, une casserole de haricots verts, une tarte aux cerises, immense, fromage, fruits, compote, café, thé, chocolat. » Des rires prolongés accueillent ce menu, vrai quant au nombre, mais grossi quant à l'énormité des plats. Madame d'Orvillet riant. « Comme tu exagères, Albert !» Le général. « Je dis la pure vérité et j'admire les reproches que tu t'adresses. Nous sommes à demi étouffés et tu trouves qu'il n'y en a pas encore assez. » Madame d'Orvillet. « Si vous êtes satisfait, je suis contente. Mes enfants, allez vous promener pendant une heure. Après quoi, nous irons pêcher. » Laurent. Nous préparerons les verres pour les lignes pendant que vous vous reposerez, maman. Juliette. Quels verres? Où les prendras-tu? Laurent. Dans le potager. En bêchant, on en trouve une quantité. Juliette. Allons, allons, ce sera très amusant. Félicie. Est-ce que tu vas y aller aussi, Gertrude? Gertrude. Certainement, je les aiderai. Je me charge de bêcher. Félicie. Mais c'est dégoûtant. Il faut faire cet ouvrage par le jardinier. Anne. Ce sera bien plus amusant de le faire nous-mêmes. Laurent. Et puis, il faut laisser déjeuner le pauvre jardinier. Félicie. Il pourrait bien déjeuner plus tard. Il ne mourra pas pour attendre une heure. Gertrude. Mais pourquoi faire attendre ce pauvre homme, puisque nous pouvons bêcher nous-mêmes? Viens, ma bonne Félicie, donne-moi le bon exemple. Tout bas. J'ai besoin que tu m'encourages, car je trouve comme toi que ces vers sont un peu dégoûtants à ramasser. Oh. Allons, c'est Félicie qui est notre chef. Elle nous mène. Obéissons-lui. Félicie hésita un instant. Cédant au sourire encourageant de Gertrude, elle se mit pourtant à la tête de la bande, qui partit en courant, devançant son chef. Gertrude. « Merci, Félicie. Je fais comme toi. Je me dévoue. » Félicie se mit à courir. Gertrude la suivit. On se mit au travail. Chacun bêcha, ramassa les vers. Gertrude fit semblant d'admirer le courage de Félicie et de vouloir l'imiter. Tandis que par le fait, c'était elle qui entraînait sa cousine. L'heure était passée. Il était temps de rejoindre les parents. Il y avait une boîte pleine de verre, mais les mains étaient sales. Gertrude donna l'idée de les laver dans le bassin. « Commençons nous deux, Félicie, puis nous ferons laver les mains au petit. Petit, ajouta-t-elle, notre chef vous ordonne d'attendre que nos mains soient lavées, pour ne pas salir vos habits pendant que nous vous tiendrons. » Laurent, « Pourquoi ça nous tenir ? » Gertrude, « Pour que vous ne fassiez pas la culbute dans le bassin, en vous lavant les mains. » Tout se fit avec ordre. Quand les mains de Gertrude et de Félicie furent propres et essuyées avec leurs mouchoirs, elles firent avancer les petits en ligne. Ils barbotèrent tant qu'ils voulurent et tous se mirent à courir pour rejoindre leurs parents qui étaient prêts et qui les appelaient. Un domestique fut chargé de porter les lignes, la boîte de verre et un seau pour y mettre le poisson. On se mit en route, les enfants courant en avant et jouant, sautant à qui mieux mieux, Gertrude en tête. Le général jeta un regard connaisseur sur l'étang et ses bords. Il reconnut tout de suite les meilleurs endroits, y plaça Gertrude, Juliette, Laurent et Anne, et donna à Félicie le poste le moins avantageux. « Quant à moi, dit-il, je promènerai ma ligne de tous côtés et je surveillerai les pêcheurs, de crainte d'accident. » Gertrude prit un poisson au bout de 5 minutes, puis un second et un troisième, pendant que Laurent et Anne, quoique aidés par leur bonne, n'en avaient qu'un, et Félicie pas un seul. Le poisson ne mordait même pas à son hameçon. « On m'a donné la plus mauvaise place, » dit-elle d'un air mécontent. « Gertrude, veux-tu la mienne ? Je suis fatiguée. » « Félicie, fatiguée, déjà ? Tu n'es pas forte sur la pêche ? » « Gertrude, non, j'ai toujours été maladroite. » « Le général, et pourtant tu as déjà pris 3 poissons. » « Gertrude, parce qu'ils se sont entêtés à se laisser prendre, mon oncle. Je ne tire jamais à temps. S'il en venait un gros, je suis sûre que je le laisserai échapper. Félicie, qui est à droite, s'en tirera beaucoup mieux que moi. » Et Gertrude passa sa ligne à Félicie, qui la prit avec empressement. « Bonne fille, lui dit le général, ta tante Hélène a bien raison. Gertrude, en quoi, mon oncle ? » Le général, souriant, « en quelque chose qui te regarde, mais que je ne te dirai pas. Viens faire un tour de promenade avec moi. Il fait un temps magnifique et j'ai beaucoup de choses à te dire. » Le général voulait en effet mettre Gertrude au courant du défaut principal du caractère de Félicie et des conséquences fâcheuses d'un orgueil que la société des petits Castelsau avait beaucoup augmenté. Le général raconta à Gertrude plusieurs traits d'impertinence de sa cousine et des Castelsau, dont il lui fit l'histoire. Pendant ce récit, un homme, venant à leur rencontre, salua et se rangea pour laisser passer l'oncle et la nièce. Le général, « Ah, c'est toi, mon brave Dillois. Je suis bien aise de te rencontrer pour te faire connaître à ma nièce, Gertrude, la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. » Gertrude salua d'un air gracieux. Le général, « Sais-tu, ma fille, qui je te présente ? Un homme qui, par son courage, m'a sauvé la vie il y a quelques années, en Algérie. » Et M. d'Alban lui raconta en peu de mots l'histoire des 3 Bédouins. Gertrude dit à Dillois d'une voix émue, « Je ne sais pas encore votre nom, mon brave homme, mais je vous regarde comme de la maison. Jamais je n'oublierai ce que nous vous devons. » Le général, « Tu lui dois plus que tu ne penses. Il en a secouru d'autres que moi. Je te raconterai cela, ce brave Dillois. Il ne se sauve pas devant le danger, celui-là. » Gertrude, « Dillois, c'est un nom que je n'oublierai certainement pas. » Dillois, « Vous êtes trop bonne, mademoiselle. Oh oui, bien bonne. Cela se voit à votre figure, si aimable. » Le général, « Où allais-tu comme ça, mon ami ? » Dillois, « Je venais dire à monsieur le comte qu'on me propose du travail. Avant d'accepter, je voudrais consulter monsieur le comte qui me dirait si c'est du solide, du bon. » Le général, « Bien, mon ami, peux-tu attendre 1 heure ? » Dillois, « Mon Dieu, oui, monsieur le comte, aussi bien ma demi-journée est perdue à cause de ce monsieur qui m'a demandé et qu'il m'a fallu aller voir. » Le général, « Bien, en m'attendant, va, je t'en prie, du côté de l'étang. Tu y trouveras ma sœur et les enfants qui pêchent à la ligne. Tu leur donneras un coup de main s'ils en ont besoin. En cas d'accident, je compte sur toi, » ajouta le général en lui tendant la main. Dillois, « Quant à ça, monsieur le comte n'a pas à s'inquiéter. Moi qui suis affectionné aux enfants, je ne les laisserai pas avoir du mal. Monsieur le comte a raison de compter sur moi. « Au revoir, monsieur le comte et mademoiselle. »« Au revoir bientôt, Dillois, » dit Gertrude avec un sourire. « En voilà une qui est aimable, » murmura Dillois en s'en allant. « Gertrude, mon oncle, qui donc ce bon Dillois a-t-il encore sauvé ? » Le général, « Parbleu, rien que ta tante Hélène, Félicie, Laurent et Anne. » Il raconta à Gertrude la visite du cheminot au château de Castelsau, la rencontre dans la forêt, le combat contre l'ours, et l'ingratitude de Félicie, un peu atténuée par son bon mouvement de la veille. « L'excellent, le brave homme !» s'écria Gertrude. « Mais je ne comprends pas 2 choses, mon oncle. D'abord la visite chez les Castelsau, et puis l'aversion de Félicie. » Le général. « Aïe, aïe, je me suis fourvoyé. pour te faire comprendre le tout, je dois commettre une indiscrétion. Et pourtant, il ne faut pas te laisser croire Félicie plus mauvaise qu'elle ne l'est. Ma foi, tant pis, je vais te dire tout. Tu es discrète, j'en suis sûre. Es-tu discrète ? Gertrude, j'espère que oui, mon oncle. Il me semble que je ne parlerai jamais de ce que vous m'aurez dit sous le sceau du secret. Le général, bon, alors je vais t'expliquer ce que tu ne peux pas comprendre. Monsieur d'Alban lui raconta la rencontre fatale de Félicie avec le cheminot. Les regrets de ce dernier, ses excuses, son vif désir de réparer le mal qu'il avait fait, sa discrétion, sa conduite délicate, le ressentiment de Félicie, l'effort qu'elle avait fait la veille et l'avant-veille pour parler amicalement à cet homme qui s'était oublié dans son ivresse au point de la frapper. Ensuite, sa rencontre à lui avec le brave Dillois, à la noce des Robillards. Toutes les impertinences de Félicie et des Castelceau, et enfin sa dernière conversation avec Félicie au retour de la noce et le lendemain. « Pauvre Félicie, dit Gertrude, je comprends ce qu'elle a dû éprouver. C'est beau à elle d'avoir pardonné une si grande offense et une si terrible humiliation. » Le général, qu'aurais-tu fait, toi, à sa place ? Gertrude, avec hésitation, je ne sais pas trop, mon oncle, vous savez que je n'ai pas le même caractère que Félicie. Le général, vivement, oh, pour cela non, mais aurais-tu pardonné, oublié, c'est-à-dire bien pardonné, du fond du cœur ? Gertrude, rougissant, mon oncle, je ne peux jamais garder rancune à personne, surtout si je vois qu'on regrette le mal qu'on a fait. Oh, alors non seulement je me sens obligée de pardonner, mais je me sens attiré d'affection vers mon ennemi, et je l'aime comme un ami. » Son oncle la saisit dans ses bras et l'embrassa à plusieurs reprises en disant « Cœur admirable, admirable nature, Hélène avait bien raison. » Gertrude ne demanda plus en quoi sa tante avait raison. Elle devinait et rougissait, ne croyant pas mériter ses éloges.